J'ai un message authentique pour les frères et les sœurs. Je porte l'Afrique dans le cœur, avec l'équipe défend les couleurs. Tout ce qu'il faut combattre, autant le faire avec rage. Manu K, Kerry James, pour faire passer le message. C'est le jour J, j'esquive l'armée, toutes ces conneries. Le B 6h du mat, sale pour faute et Kaki. Tu t'imagines, dis-moi sans meuf, l'ambiance est malsaine. Chez nous on baisse l'armée d'Orly, choisi à Vitry sur scène. Toutes sortes de magouilles pour faire flipper le psychiatre. J'raconte tragédie sur tragédie, réformer P4. De toute façon on sera jamais les bidasses, et personne est surhomme. Pour moi ce qui fonctionne c'est de flinguer le microphone. Tous les RAS, que l'État n'a pas eu en laisse. Pour tous les RAS, lance ce texte car je reste un MC trop militant, voilà ce que je suis, j'ai pas le temps. J'emmerde le système, son drapeau bleu, blanc, rouge pour le sang, bleu pour l'uniforme police, blanc pour le FN raciste, je suis réformé au service. Général Manu K, j't'ai reçu 5 sur 5, voir le verdict pour le différent type. Réformé au service, réformé au supplice, ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire, je compte pas les laisser faire. Dis-moi de ma vie en l'air. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Hier encore j'ai souffert de leur violence policière. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, mon quartier c'est déjà la guerre. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Est-ce que tu me vois? Qui? Moi, Kerry James. Un 2 pour le 3. Check ça. Au service de l'État, crois-tu que moi j'accepterais de donner 10 mois de ma vie à ces gens-là? Aucunement recensé, mais censé, je décrète d'office. Pas de sacrifice gratis, je serai réformé au service. Salix, originaire des terres d'Afrique. Je suis de l'esclave, le 6 en pression historique. Pacifique, je reste magique et automatique. Pour une cause qui serait plus sociale qu'économique. Mais leur politique d'opportuniste milite. Alors, fils, on réédite. Y'a rien à faire dans mon quartier, c'est déjà la guerre. Ce qu'il y a la sanction, j'affirme mes positions. Ma vie m'appartient, je suis pas à votre disposition. Seul le tout puissant, bienveillant et omniscient. Dispose de mon, de mes et de mon sang. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Je compte pas les laisser faire. Dis-moi de ma vie en l'air. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Hier encore j'ai souffert de leur violence policière. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Métis terroriste, soldat en puissance par 10. Sans que ça soit faire la guerre, sans qu'il y ait d'armistice. Si demain je pars au combat, c'est seulement pour les miens. Au nom de la mafia africaine, vous prenez paye ces chiens. Sonne le couvre-feu, après minuit du crime. Dans mon quartier c'est déjà la guerre, faut pas que l'État assassine. Nos gosses nos entrailles, et dans mon cœur les entailles. Laisse des cicatrices, les traces qu'il y a eu bataille. La vie est trop nice, alors je lutte pour survie. Rien à foutre au service US pour les gens qui s'ennuient. RAS 1, RAS 2, RAS 3. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Je compte pas les laisser faire. Dis-moi de ma vie en l'air. Je ne veux pas aller au service militaire. Hier encore j'ai souffert de leur violence policière. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Je compte pas les laisser faire. Dis-moi de ma vie en l'air. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Y'a mon corps, j'ai souffert de leur violence policière. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, dans mon quartier c'est déjà la guerre. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas y'a rien à faire, lui l'état de sa mère.